C'est samedi prochain, la fête de mon père, la Saint-Antoine. Ma mère me l'a 60 fois dit depuis 15 jours. C'est la fête de ton père. As-tu appris ton compliment? J'en tremble d'avance. J'ai peur d'avoir l'air si bête. Non, j'ai peur qu'on devine que j'aimerais que ce ne fût point sa fête. La fête de mon père. Mes inquiétudes redoublent quand ma mère m'annonce que je devrais offrir un pot de fleurs. Vendredi soir, mon père, Antoine, est censé ne plus savoir ce qui se passe. Il sait tout. Il a même hier soir renversé le géranium, mal caché, et je l'ai vu qu'il relevait à la sourdine et le refrisait d'un geste furtif. Le matin du jour solennel, j'arrive. Il est dans son lit. Comment? C'est ma fête! Je m'avance. Je tiens le géranium de 11 sous et le rouleau du compliment, ce qui me gêne pour grimper. Mon père m'aide. Il me trouve lourd. Je monte une jambe. Je glisse. Mon père me rattrape. Il est forcé de me saisir par le fond de la culotte et je tourne un peu dans l'espace. Ce n'est pas ma figure qu'il a devant les yeux. Moi-même, je ne trouve pas son visage. Quelle position! Puis je sens le géranium qui file. Il a filé et tout le terreau tombe dans le lit. La couverture était un peu soulevée. On me chasse de la chambre à coups de pied et je n'ai pas la joie pure d'embrasser mon père, d'être embrassé par lui le jour de sa fête. Mais je n'ai pas non plus à lire le compliment. C'est entendu, bâclé, fini. Il y a un peu de fumier dans le lit. La fête de ma mère ne me produit pas les mêmes émotions. C'est plus carré. Elle a déclaré nettement, il y a de longues années déjà, qu'elle ne voulait pas qu'on fît des dépenses pour elle. Et puis les plantes, ça crève quand on ne les soigne pas. Elle a l'air de dire, on ne peut pas les fouetter.